sonné, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu étais fourmi, deviens cigale. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, il est 10h. Je fais un petit coucou et des bisous à ma petite équipe là qui se réveille dans le froid, je crois. Je n'oublie pas les amis du fan club des années bonheur. Bonjour la Régisson, bonjour Marc. Bonjour Gilou. Ça va bien? Bah très bien. On se retrouve, hein? C'est oui, première oui, depuis l'année dernière. De l'année dernière. Alors vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette première émission de l'année. Donc je profite aussi pour présenter tous mes meilleurs voeux à toute l'équipe de Radio Gemozo, mes collègues, animateurs, animatrices. Et puis bien sûr à tous les auditeurs ou auditrices, avec plein de bonheur, de joie, d'amour. Et bien sûr tout cela... En musique, hein. Et puis de la part donc de toute l'équipe de la team Gilou. Je vous accompagne de 16h à 17h30 en direct avec pour cette semaine un retour dans les années 80 et quelques duos de légendes. N'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40. Quels sont les moments qui vous ont marqué lors de cette décennie? Faites-nous un petit coucou, faites-nous part d'anecdotes, de souvenirs, d'événements de ces belles années. Vous pouvez nous laisser bien sûr aussi des messages, comme à l'habitué, à l'accoutumée, je veux dire, sur la page Facebook de notre radio et sur ma page Gilles Mougel officielle. Je transmettrai en direct à l'antenne et je vous attends nombreux. Voilà, on va commencer par la première chanson. Peter Asloun, Besoin de rien, Envie de toi. Regarde, le jour se lève. La ville, tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien. Ma caresse, ma Le grand titre de cette année 1984, duo français formé de Chantal Richard et de Jean-Pierre Savelli. C'était le plus grand succès de ce duo. Donc selon les propos de Peter, donc Peter Sloan, le duo n'existe plus. Ça avait été un plaisir de recevoir Jean-Pierre Savelli l'année dernière, en fauneur. Voilà. Nous allons retrouver maintenant Sabrina avec Boys, Boys, Boys. Sabrina, titre de 1985, oui bien sûr. Alors qui ne se souvient pas du clip vidéo? Marc me faisait remarquer très justement tout à l'heure, c'était mieux à la télé. À la radio, c'est pas pareil. Mais c'est, voilà, qui ne se souvient pas de la piscine. J'aurais bien été le barman, moi. Voilà, mais un petit peu d'humour. Voilà, on continue avec Boys Tom Gang. Là, je vais m'appliquer pour le titre. Come text my yes of you. On écoute. Come Boyston Gang, donc titre de 82, c'est un groupe musical nord-américain du début des années 80. Ce titre a été leur plus gros succès. Alors maintenant on va passer à la rubrique duo. Voilà pourquoi la rubrique duo de légende, enfin voilà pourquoi la rubrique là. Bon, il y a quelques temps je suis retombé sur une émission à la télévision. Des années 70 et 80, l'émission de Mariti et Gilbert Carpentier. Voilà, je me suis replongé un petit peu là-dedans. Et j'avais envie de diffuser quelques duos. Je voulais même faire complètement l'émission sur les Carpentiers, mais bon, c'est pas évident sur le choix des chansons, sur la technique, parce que bon, c'est vrai qu'il y avait des... On va chercher ça c'était pas évident. Parce que bon, le son n'était pas toujours aussi bon, bien que maintenant. Alors on en entendra quand même 4 dans cette émission. Là on va commencer avec Julio Iglesias et Sheila, qui nous interprète Vaya con Dios. Il fait nuit sur l'hacienda, une nuit légère. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. C'est le chant brûlant des mois d'une âme en peine. Y parece que al sonar también te dicen vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. A donde vayas tú yo iré contigo. Il sait qu'une amoureuse prie là-bas. En sueños estaré siempre contigo. Et l'ombre douce lui redit tout bas, ne tremble pas. Dans le vent sortilège, en doux cortège. Si en tu corazón yo voy a donde quieras. Vaya. Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Voilà, Julio Iglesias et Sheila. Alors, c'est vrai, comme on disait tout à l'heure pour le clip de Sabrina, voilà, j'explique pourquoi je n'ai pas fait l'émission complète, bien sûr, avec ces chansons des Carpentiers, parce que c'est vrai que c'était aussi très visuel. Je veux dire, on voyait beaucoup d'artistes qui chantaient en duo, en trio, qui reprenaient chacun leur chanson, la chanson des autres. C'était vraiment bien plus, peut-être plus intéressant, forcément, à la télévision. Mais bon, il y avait quand même des belles chansons, et puis bon, j'y tenais. Voilà. Alors, on écoute C'est Jérôme, et tu danses avec lui. Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds dans le noir. Tu n'as jamais souri si tendrement, je crois. Tu es la plus jolie. Tu ne me regardes pas. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. abandonnée, heureuse. Tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Je suis mal dans ma peau, j'ai envie de partir. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Et tu flirtes avec lui, moi tout seul dans mon coin. Je ne sais plus qui je suis, je ne me souviens plus de rien. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Abandonnée, heureuse, tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Et tu danses avec lui, et tu danses avec lui, et tu danses avec lui, et tu danses. Titre de 1985. Avec cette belle chanson, c'est Jérôme sort un petit peu de ses chansons, de son répertoire populaire des années 70. Bien sûr qu'on a tous gardé au fond du cœur avec notre chanteur Laura. Mais là, il revient avec un texte un petit peu plus grave. On retrouve la Compagnie Créole avec le titre « C'est bon pour le moral ». Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si t'as doudou bien balancé, ou Playboy super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la Compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon. Swinger. Allez, allez, allez, allez. Si tu veux te surtout pas hésiter, pour combler mes désirs, y'a rien de tel qu'un petit bébé. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, oui c'est bon, c'est bon. Savoir bien piner. 1980, on découvre la Compagnie Créole. Originaire des Antilles, les membres de la Compagnie Créole voient le jour en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe. On connaît bien sûr tous leurs succès qui nous ont fait bien danser. J'en profite pour saluer mon ami Jean-Marie. Jean-Marie qui est de la Guyane et avec lequel nous avons écumé les salles du coin pour faire nos animations. Toutefois, si Jean-Marie, tu m'écoutes, voilà, je te fais un salut puis un bisou à Hélène. On retrouve Gilbert Montagnier avec les Sunlight des Tropiques. Ça fait quelque chose de magique. Y'a rien à faire, y'a rêvé. Les Sunlight, les Tropiques, année 1984, après The Fool, titre de 1971, Gilbert Montagnier avait fait un carton avec ce titre, mais il nous revient en 84, bien sûr, et avec ce titre, et un autre titre aussi qui a bien marché, On va s'aimer. On retrouve Bonhomme, c'est pas grave, tu peux envoyer. Décidément, on est dans les gros bonnets. On est dans Bonnet M. Alors, je sais pas à quoi ça correspond comme taille. Il fallait que je la fasse, celle-là. Donc, Bonnet M avec ce titre Auré, It's Holy Holiday. Alors, que de tube avec Bonnet M, un groupe vocal jamaïco-antillais de disco pop qui était dirigé par le producteur Frank Farian. Alors, ils ont été actifs de 76 à 85. Alors avant, je passe un petit coucou à Nathalie Brusquin qui nous souhaite une bonne émission. Alors Nathalie, si vous m'écoutez, ben je vous fais un bisou, voilà, de la part de l'animateur. Alors on va repartir maintenant avec un nouveau duo, Alain Barrière et Noël Cordier. Alain Barrière, Noël Cordier, tu t'en vas. Alors Marc est parti. Je reviens. Et Mika revient. Salut Mika. Bonjour à tous, salut Gilou. On s'est déjà vu, mais on se fait un petit coucou. Hein bah oui, c'est comme ça. Oui, oui, ça va bien. En radio ou en télé, bah oui, oui. On se voit avant, mais on se dit quand même bonjour à l'antenne. On se dit bonjour quand même à l'antenne. Hein, on paraisse poli. Oui, ça, ça va oui, très bien Gilou, j'espère que toi aussi, j'ai l'impression que écoute, ça va bien. Oui, oui, tu as entendu la première partie, on a un petit peu parlé de Sabrina, tu sais. Ça me rappelle des souvenirs. Oui, bien sûr. Puis après, c'était Bonnet M, tu vois, Bonnet M. Ah oui, ça. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Il y avait un lien. J'ai fait, voilà, bon, c'était pour... Tu me connais, hein. Il est coquinou, Gilou. Oui, oui. Alors, donc, Alain Barrière, Noël Cordier, c'était la plus grosse vente de 45 tours de Alain Barrière. 1600 exemplaires vendus. Voilà, donc c'était un duo. Duo, donc, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, qu'on a vu partout, mais voilà, qu'on voyait aussi dans l'émission de Gilbert et Mariti Carpentier, une grande émission de, voilà, sur la télévision en 70-80. Je le répète un petit peu pour Mika, s'il n'a pas suivi. Voilà. On retrouve maintenant une chanson du film La Boum 1, sorti en 1980 avec la belle Sophie Marceau. Elle était jeune à l'époque, mais après, c'est pas joli. Alors donc, on écoute Richard Sanderson avec Reality. Met you by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. About you. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. Illusions are a common thing. I try to live in dreams, although it's only un beau slow, hein, Mika, Reality. Et j'ai l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression, hein, oui. L'émission que tu nous proposes aujourd'hui, c'est souvenir, comme dirait l'autre. Ah en oui, tout, tout cas, à fait. Bah, pour ma génération, hein, je suis né en 75, bon, les années 80, j'étais enfant adolescent. Bien sûr, ouais. Ouais, non, puis c'est vrai que c'était sympa. Enfin, bon, donc toute l'émission est axée sur les années 80. Et puis, bon, bah, comme je te disais, quelques duos que j'ai extrait, voilà, que on entendra tout à l'heure sur un prochain. Alors ça sera un trio Moi, je l'annoncerai tout à l'heure, il y a Enrico Macias, Sacha Distel, Claude François, seront un pot pourri. Alors, c'est vrai que bon, la radio, ça va être sympa, mais je veux dire, bon, c'était bien de voir ça à la télé, quoi, forcément, parce qu'ils avaient des fous rires entre eux, ils reprenaient chacun leur chanson, enfin, ils chantaient chacun un petit bout de la chanson de l'autre, tu vois. Je sais pas si t'as, bon, t'étais peut-être jeune, je sais pas si t'as connu cette émission. Eh bien, j'ai vu une émission, et peut-être vous qui nous écoutez, et toi, Gilou, l'émission spéciale Carpentier sur France 3, qui est passée il y a pas longtemps. Qui a eu lieu récemment. Voilà. Ça a duré 3 heures, et ah, on pouvait voir effectivement. Toutes ces archives. Voilà, et si tu veux, quand j'ai vu cette émission, ça, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Toi, je voulais faire, mais bon, faire toute une émission là-dessus, c'était difficile déjà pour les prises de son, tu sais, de capter les vidéos sur YouTube. Puis après, bon, il y a des sons qui étaient un peu moins bons, tu vois, hein, de ces années-là. Et puis bon, mais c'est quand même plus visuel. C'est pour ça, bon, j'ai sélectionné 3 duos et un trio. Et bon, je tenais à le faire quand même, tu vois, à les mettre dans ma playlist. Et voilà, quoi. C'est vrai qu'à la télé, c'était super marrant de les voir, quoi. Je sais pas si on voit plus trop ça maintenant. Enfin, bien sûr, il y a encore des duos, hein, sur les émissions de variété, forcément. Mais là, c'était une ambiance particulière, si t'as suivi. Hein, cette ambiance, c'est vrai que c'était quelque chose de formidable, quoi. Des décors magnifiques. Il faisait même des chansons, excuse-moi, il créait même des chansons pour l'émission. Le copain de Johnny et puis de Sylvie. Sardou ? Non, pas Sardou. Michel. Non plus. comment je voulais dire Un acteur ou un chanteur ? Non, un chanteur. Qui était au départ, qui était un peu le secrétaire de Johnny et puis de Sylvie. Tiki Olgado ? Non, Tiki Olgado. J'allais dire Eddy Vartan, non ? Jean-Jacques Debout, ça y est, boum, ça m'est revenu. Donc Jean-Jacques Debout, souvent, il écrivait souvent des chansons comme ça, tu vois, en fait, qu'on a pu entendre après, qui étaient spécialement faites pour l'émission. C'est ça qui donnait aussi un petit peu le côté sympa aussi de cette émission, ce qu'on ne voit plus maintenant, enfin, voilà. Ça, c'est vrai que c'était formidable. Bon, les Carpentiers, il y a eu Guy Lux, et après, voilà, etc. Et voilà, donc, c'est pour ça que j'ai tenu à mettre quelques duos, quoi. Et l'autre point qui était important dans ces émissions, c'était les sketchs. Et puis les sketchs, bien parce sûr. Parce que, comme tu le disais, tu parlais des chansons créées spécialement, et ben les sketchs l'étaient, et apparemment, c'était plutôt marrant de retrouver tous ces artistes l'époque en s'amusant... Mais c'est vrai que bon, j'en cite un comme ça vite fait, mais il y a Sheila qui chante une chanson, et t'as Serge Lama, alors tu sais, Serge Lama qui son rire, il a un rire, Serge Lama, c'est magnifique, quoi, je veux dire, c'est communicatif. Il y avait Serge Lama, Michel Sardou, Claude François, ils sont tous sur la banquette autour de Sheila qui chante une chanson sur les animaux, et puis bon, mais tu les vois rigoler, bon, je dis pas qu'ils se foutent d'elle, mais il y a quelque chose de super sympa, quoi. Bon, voilà, ça on pouvait pas passer en radio, ça n'aurait pas donné le... Ça ne fait pas la même chose, forcément, quoi. Mais bon, je tenais à en mettre 4. Alors, on va repartir avec Coquille Dingler, avec cette femme libérée. C'est bien, c'est... Ah non, 16h50, oh, c'est encore l'heure du goûter, on propose le cookie. Le cookie, oui. Était cher, le mondial entend qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort. Quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. fort, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Non. Voilà, une petite cookies pour le voilà, 16h53. Donc vous êtes sur le 107 FM Radio Guémozo, les années bonheur, un spécial année 80 avec Gilou et Mika qui m'a rejoint à la technique. Avec grand plaisir. Voilà, merci. Alors Cookie Dingler, bah oui, c'est un chanteur alsacien. Tout à l'heure, on avait passé, c'est Jérôme, qui est un chanteur lorrain, Lorraine, que tout le monde connaît, Cookie Dingler, ben voilà, chanteur alsacien, de son vrai nom, Christian Dingler. Donc on peut le voir toujours dans la tournée Star 80, avec tous ses copains de ces années-là, quoi, de ces années 80. Et j'ai vu, il n'y a pas trop longtemps, la tournée Star 80 redémarre au mois de mars, je crois. Il était venu à Miremont, Cookie Dingler ? Cookie Dingler, je sais plus, je crois pas qu'il était là, je me rappelle plus. En tout cas, la tournée était passée hein, par le Palais des Congrès. Il y avait François Feldman, il y avait Sloan, Petit Sloan, mais sans Peter, parce que bon, le duo maintenant ils le font plus. Qui c'est qu'il y avait encore Zouk Machine. C'est dommage qu'il n'y avait pas Sabrina, parce que. S'il y avait eu Sabrina, j'y serais peut-être allé. Non, mais en fait, il n'y avait pas beaucoup d'artistes. Bon, c'était la tournée Star 80, mais bon, voilà, je ne sais pas si c'est parce que dans une petite ville comme nous, Remiremont, ils étaient quand même au Palais des Congrès, il y avait du monde. Mais bon, ils n'étaient pas tous là, quoi. Ça ne donne pas la même. Voilà. Donc, Cookie Dingler, je ne crois pas qu'il était là. Pour te répondre, Mika. Alors, une autre aussi belle artiste que j'ai eu l'occasion de rencontrer au casino de pas de Plombières, au casino de Bussan. Au casino de Bussan, on avait échangé quelques petits mots parce qu'elle est amie avec Pierre Charby. Tu connais mon amitié avec Pierre Charby. On avait échangé quelques mots quand elle avait fini son concert. Donc c'est Julie Pietri. Et là, qui nous chante. Avant que tu dises le titre, parce que ça me fait rire, parce que tout à l'heure, on disait en plaisantant que c'était la chanson du 4 heures avec Cookie. Oui. Et maintenant, c'est la chanson du matin. N'est-ce pas ? Alors, je pense que ça, je vais peut-être la dédicacer aussi. Je vais peut-être la dédicacer aussi donc, à mes amis du Québec qui se lèvent, hein, puisque bon, maintenant, qui se lèvent. Il est déjà 11 heures quand même au Québec. Mais voilà, donc, il faut se lever. Alors, ben, Julie Pietri, oui. Ouais, on dit du matin, enfin j'ai dit ça, mais ça dépend pour qui. Hein. Il y en a qui se lèvent, peut-être s'ils ont fait la fête, ils se lèvent seulement. Ouais, mais c'est des personnes de ma petite équipe que je connais, toi. Je sais qu'ils sont levés quand même assez tôt. Donc, on écoute. Eve, lève-toi. Oh, femme unie, péché désir. Pour un serpent de Bible a brisé son empire. Bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre les mots du premier jour. Saveur amère d'homme interdit à goûter les plaisirs que Dieu punit. Oh, cœur mortel, Ève aux yeux pâles, délaissée par le ciel, elle a mal. Ève, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants grandis. En donnant la vie, je serai comme toi. A perdu le sourire, Ève en velours, chagrin d'amour, chemin du petit jour, même plus rien. Oh, femme future, sur ce trésor, le corps en aventure, elle s'endort. Ève, lève-toi et danse. Voilà Julie Pietri avec ce titre « Lève, lève-toi », titre de 1986. Alors Julie Pietri, en 1977, elle fait partie de la bande à Basile. On la retrouve plus tard avec Herbert Léonard. Avec, on parlait de Slow tout à l'heure en aparté, là, avec ce duo, je dirais, torride, amoureux, fou. Voilà, c'était beau, ça, c'était bien. Et nous avons quelqu'un au téléphone. Hello. Hello, bonjour. Bonjour. Bonjour Dani, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Ça va? J'ai raté le début de l'émission, mais j'écouterai ensuite. Ah bah c'est gentil. Voilà, on a tous des obligations. Ah bah bien sûr, bien sûr. Voilà, donc je voulais faire un petit coucou à tous les auditeurs, et puis à toi, et puis à toutes les personnes qui t'entourent. D'accord, bah c'est gentil Dani, merci. C'est une super belle émission apparemment, parce que j'ai... J'ai entendu 4 ou 5 chansons. Oui, hein, oui. Bah, tu vois, on est dans les années 80, là. Ben oui, j'adore. Ah, c'est bien, ça. j'adore. Moi, je te remercie quand même de ton appel parce que puis tu es une fidèle auditrice. Bah moi, je voulais te souhaiter, Judy, tu es une fidèle auditrice. Ça, c'est gentil. Bah c'est normal et puis j'aime beaucoup l'émission donc. D'accord. Voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est à la nuit. Et puis, donc, ben, écoute, je te présente... Bien sûr. Mes chers au porte-monnaie, mes chers au cœur, voilà. Puis je pense que, de toute façon, on aura l'occasion quand même de refaire quelque chose ensemble. Bah oui, j'espère. Hein, puisque tu m'avais envoyé quelques petites choses, voilà, on ne dira pas. Mais Judy, tu m'avais envoyé quelques petites choses sur Facebook, hein. Oui. Voilà, oui, donc oui, il faudra qu'on en reparle, bien sûr. C'est un artiste qui démarre très fort et qui a quelqu'un dans sa famille de très connu, donc... Voilà, oui, c'est vrai. Voilà, donc, ça sera important, c'est donc vrai. Donc, ça pourrait faire une belle émission. Voilà. Ah, voilà. Marie, et donc, c'est l'oncle de Kenji Girac. Donc, ce serait bien de faire... Il vient de sortir un album. D'accord. Et donc, ce serait super de faire une émission avec lui. Ah, ben, pourquoi pas, donc, oui, bien sûr. Ouais. De convenir de tout ça, quoi. Oui, puis toi, tu as des projets avec lui aussi, hein, pour d'écriture, hein. Comment ? Tu as des projets d'écriture avec lui, hein, c'est ce que tu m'as dit aussi. Oui, on est en route de faire des choses là, et il va sortir un autre album, je pense, en mars, donc il y aura 3 ou 4 chansons à moi, oui. D'accord, ok, bon, on rappelle, hein, Dany, que tu es auteur, bien sûr, hein. On avait fait une émission ensemble, hein, c'était il y a, je ne sais plus, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ça passe tellement vite. Je t'entends mal, je sais. Ah, d'accord. Non, je disais. En même temps, donc je t'entends mal. Je disais, on avait fait une émission ensemble. Hein. Oui, bien, hein, bien sûr. Bien sûr, tous les deux. Donc, il y a, je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Et bon, on avait parlé, bien sûr, de ton métier, ouais, de tes différentes. Ça passe vite. Oh là, arrête. M'en parle pas. Mais non, tu vois, j'étais un peu en retard parce que je lui ai laissé l'ostalmo pour des lunettes. Hein. Donc tu vois, on rajeunit. Ah oui, bah, bien sûr. Écoute, bon, tant qu'on n'est pas... Bah, non, il faut garder le sourire, de toute façon, comme j'ai toujours avec les temps qui courent. Et puis écoute, tant qu'on n'est pas encore sourd, qu'on peut écouter de la musique, qu'on peut se parler, eh bien écoute, c'est formidable. Hein, oui, on est et puis la santé. Voilà, hein, c'est vrai. oui, c'est sûr. Voilà, tant qu'on peut encore... parler, rigoler, bon, tout va bien. Quoi. Voilà, tant qu'on a toute notre tête, hein. C'est le principal. Oui, ça, oui. Bien sûr. Mais écoute, Dany, je te remercie pour ton appel, et c'est puis, gentil. Un petit coucou aussi à toutes les personnes qui t'entourent. Oui, d'accord, et, ouais. Voilà, gros bisous, voilà. D'accord, ben, gros bisous, Dany, merci beaucoup. Ok, je raccroche. À bientôt, bye bye. À bientôt. Bye bye. Voilà, Dany, c'est gentil. Alors, on avait écouté Julie Pietri. On va écouter maintenant F.R. David avec ce titre Words. Say I love you, honey. Please believe I really. Yes, Worlds. David, F.R. David, pardon, de son vrai nom, Elie Robert Fitoussi, né en Tunisie et chanteur français. Worlds sera numéro 1 en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Suède, Norvège et Hollande. Un gros tube hein, de cette année 82. Il y a eu beaucoup de belles chansons, beaucoup, beaucoup de chanteurs hein, dans les années 82, dans les années 80. Beaucoup de slow. Beaucoup de slow. Non, mais j'ai l'impression. Oui, aussi. Hein. Oui, mais aussi, bien sûr, il y avait des slow. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de chanteurs et beaucoup qui ont disparu aussi, qui ont fait un tube, un titre, et puis on n'a plus entendu parler. Et d'autres qui sont revenus après. Et puis, bah, voilà, avec la tournée Star 80, on retrouve certains de ces chanteurs-là. C'est sympa. Pour nous, les anciens. Alors maintenant, on va passer donc à un duo. C'est Joe Dassin avec Nana Mouskouri. On écoute. C'est pour moi un plaisir et un privilège de partager cette scène avec Nana Mouskouri ce soir. On a failli partager une chanson il y a une dizaine d'années, mais on n'a pas partagé, on l'a fait chacun de son côté. Et ce soir, ça sera la première fois que nous la chantons ensemble. On va essayer, écoute-la. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Que antes de morir me quiero echar mis versos de la palma. Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Mi verso es un verde claro y sé notar mi descendido. Mi verso es un verde claro y sé. Guantanamera, une belle chanson en fait. Donc là, ils chantent tous les deux là. Puis je trouve que ben, voilà, c'est un peu de la nostalgie forcément. Ça fait du bien d'entendre. Bon, Nana Mouskouri est toujours là, mais Joe Dassin, bon, qui a disparu, et entendre un petit peu la voix comme ça, c'est un peu nostalgique. Et c'est voilà quoi. Par rapport à Joe Dassin, je l'avais appris il y a pas si longtemps. Je sais pas si ceux qui écoutent et toi Gilou savaient. Bon, j'imagine, hein, mais comme moi je l'ai appris il y a pas longtemps, d'un coup, ben, ça, oui. J'ai envie d'en parler. Oui, bien sûr. Oui. Vas-y. C'est que ben, y a une émission qui s'appelle Un jour un destin. Vous l'avez peut-être déjà regardé, où on apprend ben, le parcours d'une célébrité et des fois dans des détails qu'on ne connaît pas forcément, même pour les artistes qu'on affectionne. Oui. Et là, ben, j'avais appris que c'est le fils de Jules Dassin, réalisateur. Oui, c'est le fils de Jules Dassin, réalisateur, donc qui a fait quelques films. Apparemment, ça a été compliqué quand il a voulu se lancer dans la chanson. Enfin, il y avait une sorte de rivalité, ou en tout cas son père n'approuvait pas. Oui, entre le père et le fils, un peu entre père et le fils, parce que bon, lui, il était connu forcément comme réalisateur. Après, ben, son fils, donc Joe Dassin, a commencé à avoir du succès, et c'est vrai que Joe Dassin ne voulait pas qu'on dise que c'est le fils de Jules Dassin, ou il y avait quelque chose comme ça. Mais bon, après, ça s'est arrangé tous les deux. Voilà. Mais c'est bien cette émission que tu citais, là, Un jour, un destin. C'est vrai, on revoit des choses et puis on découvre des fois des choses qu'on ne savait pas, bien sûr. Alors, on va retrouver maintenant François Valéry avec cette chanson qui s'intitule Aimez-vous vivant. Non, aimons-nous vivant. Comme une envie de dire je t'aime, quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson. Et mon Aimons-nous vivant, un titre de 1989 et qui reste, je dirais, très actuel, parce que je pense que voilà, il faut tous les jours dire à quelqu'un ou à nos personnes, à nos proches, notre famille, nos amis qu'on les aime. C'est vrai que voilà, il faut vivre comme ça, comme je dis toujours, avec tout ce qu'on voit maintenant. Donc ce titre reste encore actuel, hein, et nous vivant, voilà. Et je pense que voilà, une belle chanson de François Valéry. Donc, qui est un chanteur, compositeur, qui a composé pour plusieurs artistes, notamment Michel Thor, avec son grand titre « Emmène-moi danser ce soir ». On parlait de slow tout à l'heure. Et puis, donc, chanteur de variété, hit disco, et compositeur pour musique de film aussi, François Valéry. Comédie musicale également ? Ça te dit quelque chose ? Alors ça, je ne sais pas. Comédie musicale, peut-être bien, oui. Je me demande, il faudrait vérifier je ça. Je crois que... Enfin, il n'y a pas très longtemps. S'il y a quand même un moment... Mais il me semble, je crois qu'il a dû repartir sur une comédie musicale. C'est bien possible. Mais compositeur pour musique de film, oui, c'est sûr. Et voilà, ben François Valéry ben, fait partie aussi du groupe. Voilà, donc la tournée des stars. H-Tendre et Tête de Bois. H-Tendre et Tête de Bois. Ça, c'était aussi, oui, H-Tendre et Tête de Bois. Un petit peu plus ancien, hein, bien sûr. Mais bon, un bel artiste aussi, François Valéry, avec il a fait de belles chansons, du bout 45 tours. Notamment, j'ai parlé de Sophie Marceau tout à l'heure avec la musique de La Boum. Ils ont fait une petite chanson tous les deux avec Sophie Marceau. C'était mignon aussi, ça. Alors, on va retrouver maintenant. Quelle heure il est ? Ouais, 17h19, ça passe vite. On va retrouver maintenant Abba avec ce titre Mamma Mia. Now Mamma Mia. On ne reparlera pas d'ABBA. Enfin, quoique, voilà, tout le monde connaît ABBA, tout le monde connaît le gros succès de ABBA. C'est plus de 360 millions de disques vendus. Ils rentrent dans le top 10 donc, des plus gros vendeurs de disques. Et ABBA, si, il y a une petite chose, j'en avais déjà parlé l'année dernière, ils se sont réunis, ils se sont retrouvés, reformés, en 2018, pour enregistrer deux nouvelles chansons. À but de faire un spectacle un petit peu comme ils ont fait, comme on a fait en France avec Hit Parade, avec les hologrammes, tu sais, des artistes. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si on pourra écouter ces nouvelles chansons, parce que c'est vrai que tout le monde est impatient depuis toutes ces années d'écouter deux nouvelles chansons d'ABBA, c'est quand même quelque chose. Donc sous quelle forme ça, est-ce que ça va sortir, sous quelle forme on ne sait pas. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Alors, on va s'écouter maintenant un trio voilà, donc tiré de l'émission des Carpentiers. Alors, il y a Enrico Macias, Sacha Distel, Claude François. C'est un pot pourri. Écoutez. Dis-moi, repose-toi, va. Le lundi au soleil, aïe maman, c'est une chose que l'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, et quand on est derrière les cartes, oh, oh. Quand on travaille que le ciel est beau, il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Le lundi au soleil, on pourrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil, on serait mieux dans l'odeur des foins, ou simplement cueillir les vins, ou simplement ne rien faire le samedi au soleil. Oui, c'est moi, Michael. Il y a des gens du Nord, tu y penses, hein, tout ça. Vas-y, croule, mon frère, croule. Je vais essayer. Croule, croule. La chanson de bien. Attention. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent leurs portes toujours à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublie pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leurs maisons sont alignées, c'est par souci d'égalité. Et les péniches, pauvres ou riches, portent le fruit de leur espoir. Les gens du Nord dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas de. C'est magnifique, hein. C'est bon. Ah, oui. Moi, je vais essayer d'avoir un autre accent. Tout ce qu'il y a plus l'autre, mais alors, au soleil, attention. Pas de problème, hein. À Trinidad, tout là-bas, aux Antilles. À Trinidad, vivait une famille. Il y avait la maman et le papa et le grand-fils aîné. Il y a 40 ans, on n'était toujours pas mariés. Un jour, il trouva la fille qu'il voulait. Il dit à son père, je voudrais l'épouser. Hélas, mon garçon, hélas, tu peux pas. Car son fils est ta sœur et ta mère ne le sait. Voilà, un petit extrait hein, avec ces artistes, voilà, ben, malheureusement, à part, enfin, papa, Enrico Macias, Sacha Distel et Claude François, bien sûr, sont disparus. Voilà, Amis auditeurs, auditrices, voilà, l'émission se termine tout doucement. J'espère que cela vous aura plu. Bien sûr, axé pas mal sur les années 80, avec quelques petits duos dont je tenais à diffuser, à vous faire écouter. Mika, tu voulais dire quelque chose ? Oui, tu m'as fait sourire quand tu as dit que l'émission s'achève tout doucement. J'ai pensé à Bibi. Ah oui, à Bibi. T'aurais pu nous la faire entendre. Ah oui, c'est vrai. Bah, tu sais, oui, c'était pas mal, mais c'était pas trop mon truc. Parce qu'à cette époque-là, je pense que c'est pareil. On l'a tellement entendu. Non, c'est ça, j'arrivais plus, toi. Tu pourrais dire, c'est pas le truc à Bibi. C'est pas le truc à Bibi, effectivement, bien. Donc, merci à Marc, voilà, qui a fait une partie avec moi. Merci, Mika, toi aussi, à la régie son. Merci à toi. Voilà, à très bientôt. Je vous retrouve la semaine prochaine, amis auditeurs, auditrices. Portez-vous bien, bonne soirée, bye bye et à bientôt. Bonne soirée. Me revoilou. Excusez-moi. Non, je voulais faire un petit coucou à Mado, mon ami Mado, qui est animatrice sur Radio Plus Haleine. Voilà, Mado, je te fais des gros bisous. À bientôt. À nouveau, la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail. Tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigares.